toujours pareil où j'habite, tu lis toujours le même livre. Toujours mes mêmes Adidas, négro, toujours mes mêmes Yves. Puis grave toujours la même substance, la weed ou l'héro. Fume toujours la double zéro à l'heure de l'apéro. Toujours mes mêmes criminels au mic depuis le clan Bla 96, sac central, on reste toujours les mêmes rats. On aime les mêmes meufs, les mêmes seufs, on dingue les mêmes keufs. On fréquente les mêmes refs et yor, toujours le même refrain. Refrain, si tu nous vois pas, c'est qu'on est trop vrai. Des soldats de l'ombre et la nuit, on se refait. Mais t'en fais pas, on est là, donne pas la pression. Et chaque morceau du beurra te met la pression. Chaque lyrics que j'écris se transforme en pasto. C'est un magnum 357, j't'ai tiré dans la tête. Pla, c'est le nom du clan. Ça y est, j'ai dit ce que j'ai à dire. Et maintenant, j'fous quand hein. Encore un son de bande, il faut que les frères rappellent. Calibrer mes frères, ça fait. Encore mon ghetto pour les frères d'Afrique. C'est les meutés, les yes, ça fait. Un son de Kaira, faut que les frères rappellent. Calibrer mes frères, ça fait. Toujours mon ghetto pour les frères d'Afrique. Autour des flammes sur les ondes, ça fait. On a mis nos capuches, laissé entrevoir nos yeux. L'émeute, la hyène et capuche. Retour à la guerre du feu, des primates. Ressort des terres, la plume apache. Délicat tout de même, venu peupler le désert. Laissé par des lestes accroupis, c'est bien ce qu'ils craignaient. Les derniers étaient là en premier, jusqu'à preuve du contraire. Beaucoup de merde à remuer, l'hypersiste à continuer. On a laissé nos locaux, planqué les substances. Mis de côté des journées d'euros, dérangés par des grésillements. Mauvaise onde à la radio. Le hip-hop en cellule de dégrisement. Ils ont pris son déguisement sur la scène du rap français. Surgit de ce qui sort des coffres, des voitures. J'attends pas que les choses se corsent, loin d'être immature. Je sais où tu caches ton barbale. Changement de décor, repeins le mur. Après une rafale. Encore un son de bande, il faut que les frères rappellent. Calibrer mes frères, ça fait. Encore mon ghetto pour les frères d'Afrique. C'est les meutés, les yes, ça fait. Son de Kaira, faut que les frères rappellent. Calibrer mes frères, ça fait. Toujours mon ghetto pour les frères d'Afrique. Autour des flammes sur les ondes, ça fait. Noir sur orangeux. Donne-moi un gueule pour un taf, drôle de mentalité. J'ai que de la compète dans mes gènes. Ils veulent me couper les ailes de peur que je m'envole en temps de crise. Les gars d'essai trahis face à mes échecs. Je ressors de l'ombre, je ressors de ma planque. Ce qui sort de ma gorge, c'est un rapport de guerre, un rapport de force. C'est pour ça que nos attaques sont sévères. Mes menaces sont des promesses pépères. Les erreurs coûtent trop cher, trop cher. Ma conquête c'est avec les autres. Ennemis d'état, quatre souillènes les meutes. Laisse-nous monter à l'étage. Je me prends les pieds dans le tapis. Je vise le top, mais les ricks choquent. Serre-nous un verre, pédé, vide tes poches. Te suicide pas dans ta cellule. Même enfermé dans le blizzard, y'aura toujours un frère avec une torche. Avec des armes, Al-Qaïda musique, retour de flamme. Malice, y'a des cadavres dans les rues infâmes. Encore un son de bande, il faut que les frères rappellent. Calibrer mes frères, ça fait. Encore mon ghetto pour les frères d'Afrique. C'est les meutés, les yes, ça fait. Un son de Kaira, faut que les frères rappellent. Calibrer mes frères, ça fait. Toujours mon ghetto pour les frères d'Afrique. Autour de flammes sur les ondes, ça fait. Les yeux, Black Pin, les meufs, Black D, 400 94, 10. Encore un son pour les frères d'Afrique. Aïe, les frères négro, négro, DJ, BV. T'étais où, Renoir? Hein?